T'as commandé? Bon, oui, merci. Ouais, mais ça, je réponds jamais. Ça m'énerve quand je réponds parce que moi, j'ai un téléphone du Québec, OK? Alors donc, lorsque les gens m'appellent, le son est à... est épouvantable. Alors, je comprends pas. Je fais répéter. Et puis, quand je suis avec quelqu'un, je trouve que c'est irrespectueux. Mais bon. T'inquiète pas. Oui, en tout cas, tu es très gentil. T'es pas obligé de m'enregistrer quand je mange. Hein? Ah, non, mais tu préfères que j'attende? Mais parce que les gens ne savent pas. Tu crois? Tu crois que je parle pas à la bouche pleine? Oh, ben ça s'entend pas. Non, mais je te charrie. Ok. Non, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Hé, en fait, tu épouses plusieurs profils. Tu es comédienne, tu es chanteuse. Psychomotricienne aussi. Oui, ça c'est à l'origine. Au tout début. Ouais. Tu as tout abandonné. Ouais. Pourquoi? Oh là là, est-ce que c'est froid ou si c'est chaud? C'est froid. Ok, alors tu peux manger à ton rythme. Ah oui! Ok, d'accord, non, mais quand c'est chaud. Hein? D'ailleurs, en fait, j'ai pas envie de manger maintenant. Je vais non, non, vas-y. Je t'en jure. Ok. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, mais j'ai l'air stressée, mais je suis pas stressée. Non, mais je suis pas du tout stressée, c'est juste. Non, mais moi j'ai l'air. Ah, t'es stressée? Non, mais j'ai l'air stressée, non? Non. Ok, parfait. Ok, des fois dans le discours. Non, mais parce que avec l'accent québécois, les gens s'imaginent qu'on a une langue assez saccadé. Donc, non, bon, tant mieux. Moi, j'adore. Hein. Ah, mais merci. Ouais, j'adore. Ouais. Alors, oui. Alors, en fait, c'est un peu compliqué. C'est. Je sais pas si tu as vu ça. En fait, j'ai un frère qui est décédé jeune d'une maladie neurodégénérative. Oui. Qui a été donc malade pendant 12 ans avant sa mort. Et si tu veux. Laquelle maladie? Ça s'appelle une ataxie de Friedreich. C'est oui, assez, oui, c'est très répandu au Québec, malheureusement. Oui, oh oui. Parce que pas en France, tu vois, il y en a très très peu. Non, c'est. Ben, je crois qu'il y a le Québec et la France. Hein. Nous sommes les deux les plus porteurs. Ouais. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a. Évidemment qui a marqué ma vie et je pense que j'ai fait psychomotricité dans un désir de réparation, quelque chose comme ça. Et réparation en fait, parce que tu te sentais coupable? Oui, parce que j'aurais pu l'avoir, moi. Tu vois, c'est une maladie dégénérative, il faut que les deux parents soient porteurs. Mais c'est pas du tout une maladie qui s'adresse que aux garçons, c'est aussi pour les filles. Et du coup, je pense que oui, tu développes une espèce de... Ça, plus mon abus sexuel quand j'étais petite, tu développes une espèce de culpabilité pour tout le plaisir, la vie, tout ça. Et donc, j'ai exercé 2 ans en psychomotricité avec des enfants très, très handicapés. Et ça, c'est une formation universitaire? Oui. OK. Alors, c'est des hautes études? C'est 3 ans d'études, mais 3 ans à la fac de médecine, hyper intensif, avec des stages, tout ça. Et voilà, j'ai eu mention excellente à mon mémoire. Et j'ai eu mention excellente à mon mémoire. Ah, oui. Et j'ai exercé 2 ans avec des gens super, mais donc avec des enfants très très handicapés, polyhandicapés. Et en fait, j'avais pas fait le travail, si tu veux, que nécessite ce travail, surtout quand toi t'as vécu ça dans ton enfance, le travail de recul, de distance, de. Et donc j'ai fait une grosse dépression au bout de 2 ans. Et là, j'ai décidé de tout arrêter parce qu'en fait, ça fait. Mais il y a combien de temps, 2 ans, là? On est en 1900. J'avais 26 ans quand j'ai arrêté. Okay. Et si tu veux, je rêvais d'être chanteuse et comédienne depuis l'âge de 6 ans quand même. C'était quelque chose qui était dans ma tête. En regardant les films à la télévision, en allant au cinéma? Oui, enfin, je sais pas, mais c'était quelque chose puissant, enfin déjà le plaisir de chanter et puis aussi effectivement oui les films, enfin voilà, après à 6 ans t'as plus envie d'être une star que d'être chanteur, mais c'est soit star ou fée. Je voulais être soit star ou docteur pour les animaux, je voulais être aussi. Ah ouais, vétérinaire. J'avais vachement envie. Mais tu voulais pas être une fée? Non, parce que j'étais nulle en physique chimie et qu'il fallait être bon en mathématiques. Non, physique chimie. Une fée? Ah, une fée? Oui. Non, une fée, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ah. Non, mais j'étais déjà une petite fille, un peu garçon manqué, tu vois, avec jamais eu de poupée, de machin, de trucs. Alors, tu remplaçais ton frère décédé, peut-être, aussi? Qui n'était pas encore décédé à l'époque, parce qu'il est mort à 24 ans. Oh, ok. Mais effectivement, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, il était... très très calme, parce qu'en fait on a découvert sa maladie, c'est une maladie qu'on découvre pas tout de suite, on la découvre à la puberté, tu vois, donc on a vécu une enfance quasiment normale, mais c'est vrai que lui il avait déjà ce truc, il était un peu maniaque, un peu maniaque, jouait avec... Bah, il s'attardait sur des choses et... Oui, enfin maniaque dans le sens, il fallait que tout soit bien rangé, tout ça, okay. Tu vois, quelque chose qui... Ah ouais, ouais. Déjà à 10 ans, tu vois, et même avant. Et il jouait avec les plus petits que lui, tu vois, mais bon, ça nous démontrait déjà qu'il y avait quelque chose de différent dans son corps. Normal, ouais. Normal. Voilà, et donc moi, ouais, effectivement, j'ai pris un peu cette place-là, aussi pour mon père, je pense, tu vois, psychanalytiquement, justement, mon père qui n'avait pas le fils qu'il aurait peut-être souhaité, tu vois, le vrai garçon, et du coup, moi, je voulais tout faire plaisir. La fille garçon. Voilà, et puis faire plaisir à mon père, tu vois, en plein complexe d'Oedipe. Mais ton père faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Mon père est artisan ébéniste. Ok. Il travaille le bois. Voilà, c'est un artiste. Et ma mère est manipulatrice en radiologie, elle bossait dans les hôpitaux. Ok, elle s'est très médicale. Voilà. Et toi, c'était vraiment une sortie, la création était pour toi une sorte d'un vacuum. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ça mes parents ne l'ont jamais su, mais depuis l'âge de 6-7 ans, j'avais ma vie fantasmée, tu vois, que comme si dans ma tête, dans mon cœur. Et quand je suis venue à Paris pour faire mes études de psychomotricité, je savais pourquoi je voulais venir à Paris. Okay, j'aurais pu. Non, j'habitais Angers. Angers, oui, en banlieue. Oh non, province. Okay. La banlieue, c'est juste aux alentours de Paris. Ok. Tu vois, okay. Sinon, c'est la province. Nice, ok, la province. La province. Ok. T'inquiète pas, hein, c'est pas. Oui, j'ai pas pensé, moi. Ouais. Non, mais il n'y a aucun problème. Okay. Et voilà, et je suis venue à Paris parce que j'aurais pu aller dans d'autres villes, hein, tu vois, pour faire ces études. J'ai eu le concours à Paris et tout de suite, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Et très vite... Toi, la ville te plaisait par sa diversité, par sa... Je savais que c'était là-bas si je voulais devenir quelqu'un différent ou quelqu'un de... Pour percer. Voilà, en fait, si tu veux, il y avait un truc que je supportais pas dans la vie déjà toute petite, c'était de passer inaperçu. D'être parmi la foule, d'être... Méconnue. Voilà. Tu voulais être reconnue. Ouais, je voulais être reconnue déjà très très tôt. Tu voulais pas vivre uniquement dans l'anonymat, tu voulais être... Non, je voulais vraiment être l'inverse de mes parents, enfin tu vois. Et ça a été hyper puissant, enfin c'était quelque chose qui est encore là et qui me mène, enfin tu vois. Alors je pense que c'est une espèce de revanche sur la vie, tu vois, c'est... Voilà, j'en ai chié, je vais vous montrer... C'est un peu ça, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Oui. Donc, c'est dirigé à mes parents, vers mes parents, vers la société, vers plein de choses. Et donc, je suis venue à Paris faire mes études de psychomotricité. Donc, je t'ai expliqué après, j'ai fait une super dépression. Et j'ai eu l'opportunité, à mon avis, tu vois, de plus en plus, je crois quand même à quelque chose de... une espèce de destinée, une étoile qui te... Parce que très vite, pendant que j'étais étudiante, j'ai rencontré par hasard Alain Chamfort. Oui. En quelle année, ça? J'avais 22 ans. Ok. Mais quand je suis arrivée à Paris. Alors, ça devait être... Oui, un peu après encore. 97. 87, voilà. Ok. Et est-ce que c'est avant qu'il soit remercié par sa maison de disques ou après? Avant. Ok, ah oui, ok. C'est ça, 96-97. Ouais, peu de temps avant. Et voilà, non, ce qui était super, c'est que en fait, je suis allée voir une émission de radio avec des amis. Et moi, j'aimais pas du tout Alain Chamfort. Enfin, voilà. Ouais, à l'époque. Hein. Je me disais, c'est un mignet. Mais c'était qui tes chanteurs que tu adorais, que tu écoutais? À l'époque, tu sais, j'étais. En fait, ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans une espèce de dépression sans le savoir, tu vois, avec pas d'envie, pas de curiosité, pas de. Donc, c'était. À l'époque, c'était encore les vinyles de mes parents, c'est-à-dire. Brel, Brassens, Barbara, avec Gainsbourg, avec aussi Patti Smith, Pink Floyd, tout ça, tu vois. Grâce à tes parents. Grâce à mes parents, j'ai eu quand même ces deux cultures différentes. Fait que ta mère était plus Barbara, puis ton père était plus Pink Floyd. Exactement. Okay. Et voilà, donc j'ai rencontré Chamfort cet enregistrement radio. Et en fait, pendant toute la... Sur quel réseau ? RTL ? Je sais plus si c'était RTL ou Radio France ou je sais pas. Mais tu étais invité par Alain Chabat ? Non, pas du tout. Tu sais, ils proposent, c'est des enregistrements en public, c'est un vrai concert. Ah oui, ok, les gens sont là et assistent. Okay. Et applaudissent. Ok, oui, t'étais spectatrice. Voilà. Okay. Et en fait, pendant tout le concert, il m'a regardée. Et à la fin, il est venu me voir. Tu vois, le truc de dingue, toi, t'arrives de province, tu connais personne. Et c'est Alain Chabat qui s'intéresse à toi. Alors après, j'ai compris que je ressemblais à Lio, dont il avait été très amoureux, tout ça. Ah oui, ils ont une histoire ensemble. Ok, nous comprenons. Et nous garderons, ça sera le côté salé. Et bon, après, je l'ai perdu de vue. J'étais très souvent, parce qu'à la fac de médecine, en dessous, il y avait un studio de répétition avec une batterie, un piano, et je faisais des bœufs avec des étudiants en médecine. Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre des cours de chant. J'ai intégré une petite troupe, j'ai fait ma première pièce musicale. Donc ça, j'étais encore psychomotricienne. Jusqu'à ce que je me dise, il faut que tu t'occupes de toi. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Non, mais j'étais pas bien. J'étais boulimique, j'étais dépressive. Boulimique ? Ouais, boulimique, vomisseuse. Ok, oui. Tu vois, tu connais. Oui. Et plus maintenant, maintenant ça va très bien. Mais voilà, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir un ami qui m'a trouvé un boulot juste après, en sortant de ma dépression. En fait, j'ai habité chez le fondateur de Télérama et de la Vie catholique. Oui. C'est un homme formidable qui s'appelait Georges Jourdain, qui avait 100 ans et dont je m'occupais. C'est-à-dire que j'étais nourrie, blanchie, payée. Excuse-moi, j'ai mon téléphone. Ah non, vas-y. Allô ? Oui. Je suis en ITV là. Non, je t'en prie. Ah bah c'est pas grave, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Attends Mathieu. Je suis à la place verte. Je vais passer tout à l'heure après mon interview pour filer un chèque à Olivier. Il y aura quelqu'un ? D'accord, parfait. D'accord, super. À tout à l'heure. Gros bisous, ciao. Oui. Ah non, bah je suis non. Non, je repasse pas par chez moi puisque je suis à côté de chez vous. Ah oui, parce qu'elle peut pas me l'envoyer. Ah bah oui, grave un truc comme ça, je le récupérerai. Bon, super, gros bisous, à tout à l'heure. C'est mon label. Parce qu'en fait, ce soir, je devais être interviewée sur Oui FM pour parler de foot. Ok, tu connais le foot ? Ouais. Ben voyons. Mais oui, j'aime bien le foot, je suis très sportive, j'étais très sportive. Ok, mais tu connais le foot, Je connais les règles, bien sûr. Tu joues ? Oui, j'ai joué quand j'étais gamine. Ah. Puis là, on voulait que tu sois là pour expliquer le match. Tu devais m'appeler au téléphone. Okay. En fait, si tu veux, il y a tous les soirs, c'est avec un animateur qui s'appelle Dom Kiris qui fait des lives où je suis déjà allée chanter. Okay. Et en fait, là, pendant toute la Coupe du Monde, pendant les lives, ils appellent un artiste au téléphone et ils lui demandent, est-ce que tu aimes le foot ? Enfin, voilà. Alors toi, tu étais devant ton écran et tu attendais son appel. Voilà, mais en fait, ça a été annulé. Ah, pourquoi ? Je sais pas, mais c'est pas grave. C'est remis. C'est remis. Peut-être, okay. Mais c'est pas très... Non, mais c'est juste le côté rigolo. C'était plutôt rigolo, quoi. Ah oui, c'est ça, exactement. La fille qui parle de foot. Mais oui. Ah oui, mais c'est ça, la fille. Quand t'es comédienne, tu portes un autre nom. Est-ce Anne-Sophie Charmont. OK, mais quand t'es chanteuse, c'est plus la fille. Ça. Pourquoi? Sauf si je chante... Non, c'est la fille, quoi. Ben, en fait, la fille, c'est... Quelque part, c'est un peu un personnage derrière lequel je me cache. Tu vois, pour chanter, on va baiser, je vais t'offrir mon cul. Ouais. C'est l'appartement. Voilà. Ouais. Il vaut mieux être se protéger quelque part. La fille, c'est moi. Évidemment, c'est Anne-Sophie. Mais c'est un personnage. C'est pas un personnage, mais ça reste moi. Mais c'est quand même quelqu'un qui me permet d'aller plus loin, okay. En dehors des limites qu'on nous impose. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la fille, elle a tous les droits. Hein. Mais toi qui écris des textes, est-ce que tu écris des textes? Oui, c'est moi qui écris mes textes. Est-ce que tu écris, ton nom ou le surnom de ton personnage? J'écris en tant que la fille. Parce que je pense que si mais j'étais que Anne Sophie. Est-ce que c'est le concept du disque ou si c'est le surnom que tu t'es donné? Non, c'est pas le concept du disque, ça l'est devenu après. Ok. Pourquoi ce surnom-là? La fille. Mais lui aussi, la fille. La fille mais... tout attachée. Ouais. Parce que j'avais envie que ce soit un nom à part entière, quelque chose de, comment dire, de global, tu vois. J'avais pas envie de la, plus loin, fille. La fille, si tu veux, si tu le sépares, tout le monde dit, tu connais la fille qui a... Oui, mais c'est alors que global, la fille, du coup, la fille, ça devient un nom, ça devient... C'est pas un adjectif plus un nom, ça devient comme quelque chose comme un groupe. Un groupe de filles. La fille. Tu regardais la fille. La fille, ça devient Impersonnel. Un personnage. Mais impersonnel aussi, c'est la fille. Ah non, du coup, c'est personnel. Ah oui. Ah. C'est moi la fille. Ah oui, c'est toi la fille, mais quand tu as vu la fille, c'est impersonnel. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Okay. Donc, du coup, c'est plus impersonnel. Ok, c'est toi. C'est exactement ça. Et ensuite, c'était. Après, c'était visuellement, j'avais envie de l'écrire tout attaché aussi. Okay. Et puis au fur et à mesure où j'écrivais des chansons, j'ai pas, si tu veux, conçu l'album en me disant ça va être un album thématique. Non, moi je suis très spontanée, ouais. J'écris plutôt compulsivement. Et du coup, en relisant tous les textes, c'était... flagrant que je parlais de tous mes attachements au passé, aux fantômes, tu vois. Et puis après, il y avait aussi le côté où les gens peuvent penser que je suis SM ou quelque chose comme ça. Sadomasochiste. Ok, oui. Ce qui n'a rien à voir. Oui, là, on peut dire que tu es habillée en cuir. Okay. Voilà. Non, c'est pas vrai, je suis habillée avec une robe à fleurs. Okay. Ah, et oui. Non, mais si tu veux, tout attaché, c'était aussi... Mais c'est qui t'es tapé avec ça, le côté sadomaso? Personne. Ok. Tu t'imaginais que... Mais c'est parce que c'est les gens qui m'imaginent comme ça. Ok. Les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent avoir une... L'album, il peut avoir une double lecture, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que la chanson tout attachée, la fille tout attachée, tu l'as pas entendue encore. Oui. Sur France Inter. Sous les étoiles, exactement. Ouais, c'était bien. Cette chanson, elle ne parle pas de... Enfin, elle parle de mes rapports avec les hommes, donc forcément, ça parle de sexualité, mais si tu veux, moi, je suis quelqu'un de normal. Pour revenir, mais qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la majorité des gens font. Oui, voilà. C'est ça, la normalité. C'est ce que la majorité des gens font. Alors, donc, je ne suis pas normale. OK, mais c'est bien. Vive la normalité et la singularité. Est-ce que tu trouves que ton apparition à l'émission Sous les étoiles, exactement... Moi, j'ai senti quelque chose d'assez étrange dans... Ouais, t'as raison. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok. En fait, si tu veux, ce qui peut-être me différencie de certaines personnes, c'est que... J'ai aucun problème de hiérarchie, j'en ai rien à foutre, c'est quelque chose qui me débecte assez. Oui. Et si tu veux, je suis arrivée là-bas. Est-ce que c'était la première fois que tu passais à cette émission? C'était la première fois que je passais à la radio, déjà en direct. Oui, c'est ce que tu disais, oui, effectivement. Donc, et en fait, le journaliste qui s'appelle. Tu vois, j'ai encore oublié. Oui, le Vaillant, mais son prénom c'est. Le Vaillant, oui. Et donc, en fait, lui. Serge Le Vaillant. Serge Le Vaillant, merci. En fait, lui, c'est... je ne le connaissais pas. J'écoute jamais France Inter à 1h30 du matin. Et c'est quelqu'un qui a... C'est pas méchant, mais c'est quand même quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Oui. Et en fait, d'une part, je pense qu'il n'avait pas beaucoup écouté l'album. Parce qu'il m'a posé des questions que sur MySpace, tu vois. Et aussi, si tu veux, à un moment donné, je lui dis « Et vous, c'est quoi votre petit nom ?» Mais vexé. Il y a un truc. Et du coup, après, il était un peu dans la provoque. Rixin, tu vois. Et moi, j'y répondais, quoi. Tu vois, en plus, moi, le second degré, faut m'expliquer que c'est du second degré, tu vois. Donc, je rentre dedans, tu vois. À chaque fois qu'il me disait un truc, je répondais tout à fait simplement et sincèrement. Et en même temps, voilà, je l'ai scotché, si tu veux. C'est que mon attachée de presse, elle était là. Et... Ah ouais,

tu vois, singulière. Voilà, singulière, celle qui est partie, oh, celle qui a pris des risques, celle qui a des couilles, tu vois. Oui, c'est ça, exactement, oui. Voilà, et puis voilà, et mes parents, ils m'ont vu dans des tels états assez terribles. Si tu veux, que ma mère, elle est assez admirative de mon courage et elle me le dit. Enfin, ça a mis longtemps hein, pour qu'elle me le dise. Mais voilà, moi j'ai aussi foutu un gros coup de pied dans le bordel. Hein. Tu sais, quand tu fais 10 ans de psychanalyse, tu psychanalyses tes parents aussi. Mais c'est pour t'aider aussi. Hein. Et puis eux aussi, ça les a vachement aidés. Mes parents sont super heureux aujourd'hui, alors que l'horreur de perdre un enfant, de donner la mort, de donner la vie, c'est terrible, hein, de culpabilité. Oui. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux à la retraite. J'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi et tout va bien. On est une famille normale. Et cet album-là, tu le voulais à ton image, c'est-à-dire un album qui recrée un peu ce que tu as vécu et qui donne un espoir. Exactement. Et qui montre une fille de tous les jours. Exactement. Comment elle a pu s'en sortir, comment à force de s'acharner, de se tenir après des espérances, après des petits rêves, au bout du compte. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je pense que les gens, tu sais, on dit souvent que le public est bête, mais moi je crois pas. Je crois que le public, il est très... il voit, tu vois, il ressent les choses. Il est réceptif et il est clairvoyant. C'est-à-dire que eux, ils savent, tu vois, ça fait 3 ans que j'ai mon MySpace. Je n'ai jamais reçu aucun mail méchant. C'est-à-dire que je pense que les gens sentent que je ne suis pas dans la provocation, mais dans une revendication de quelque chose qui n'est pas du tout pareil. Tu vois, je ne dis pas les choses juste pour qu'on dise « Ah, elle dit baiser ». Non, c'est juste que voilà, cette chanson, je l'ai écrite en 10 minutes. Après avoir quitté mon mari avec qui ça se passait pas bien. Ah, ton mari ? Ouais, j'ai été mariée un an. Ah oui ? Ah, non, mais... Ah ! Judéo-chrétienne, hein ? Ça va avec le mariage. Et aussi, voilà, vu que j'avais... On va couper au montage. Oui, on va couper ça aussi. Non, mais c'est vrai que je te parle sincèrement, mais c'est vrai que je suis obligée de parler de ça parce que voilà, j'ai été abusée sexuellement quand j'étais petite. Voilà, la sexualité, c'était pas non plus quelque chose d'évident tout de suite. Et en fait, j'ai donc fait un travail. Quand j'ai quitté mon mari, je me suis retrouvée dans un tout petit studio avec une mezzanine, avec genre ça au-dessus du sol. Et j'avais un ami à l'époque. Et donc, pour faire l'amour, c'est pas top quand t'as 10 centimètres au-dessus. Non, mais en tout cas, ça galère. Et du coup, quand j'ai déménagé et que j'ai eu un vrai appartement, et j'ai écrit cette chanson. Okay. Tu vois, c'était juste libérateur. C'était aussi pour dire à mes parents, arrêtez de me faire chier, laissez-moi vivre, laissez-moi prendre mon pied. Donc ça a été dur. Laissez-moi faire des erreurs aussi. Ouais, aussi. Pour grandir. Et voilà, et quelque part, je leur expliquais que je ne suis pas et que je ne serai jamais la petite fille modèle dont ils rêvaient. Tu vois. Ma mère, elle, à tous mes anniversaires, elle m'offrait la comtesse de Ségur, tu vois. Ouais. C'est pas rien quand même. Et que tu n'as jamais lu ? Si. Ah ok, oui, c'est vrai. Si, c'est formidable, la comtesse de Ségur. Ouais. Mais quand tu réfléchis, il y a quand même ce truc de petite fille modèle, quoi, tu vois. Oui. Ouais. Et voilà, donc quelque part, cet album, c'est un album que j'ai écrit pour mes parents. Et en toute liberté. Ah mais oui. C'était ma quête, quoi, d'être la plus libre possible. Est-ce que chaque chanson est sur cet album-là ou si tu en as enlevé quelques... J'en ai enlevé, oui. Ok. Pourquoi ? Parce que c'était pas... Il y avait quelques chansons qu'on m'avait écrites au tout début, qui sont des très belles chansons. Il y a Signaux de fumée que tu vois encore en clip. Ok. Sur MySpace. Voilà. Okay. Et il y avait une chanson qui s'appelait Place Vendôme, qui est très jolie aussi. Le truc, c'est que ça avait été écrit par un ami homosexuel qui a ils ont toujours ce désir de sublimer la femme. Ouais. Et en fait, ça correspondait plus. Si tu veux, à partir du moment où moi j'ai commencé à écrire mes textes, ça pouvait pas aller avec. Tu vois, c'était trop différent de la fille. Alors le disque est signé entièrement de ta main. Il y a une chanson qui n'est pas de moi, qui est de Nicolas Comans, qui est un artiste remarquable. Il fait de la photo. Il écrit magnifiquement bien. Et pourquoi lui ? Parce qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est très bien entendu, on a beaucoup échangé et qu'un jour je lui ai demandé s'il pouvait m'écrire une chanson et il m'a écrit Le Mal Appétit, qui est une formidable chanson. Et voilà, tous les autres textes sont de moi. Mais c'est une chanson qui veut te raconter toi ou si c'est une chanson qui est... Écoute, c'est une chanson qu'il avait écrite pour lui. Okay. Et quand il m'a rencontré, il s'est dit... J'ai quelque chose à avoir pour toi. Ouais, exactement. Et quand j'ai reçu plus le texte et la musique. La musique, c'est lui qui... C'est lui aussi. Okay. Ah, ouais. Pas les arrangements, mais le point de départ. Ouais, ouais. Et voilà, c'était un très très beau cadeau. Mmh, c'est bien, c'est bien. Et c'est la seule chanson, tout le reste est signé. Anne-Sophie Char. La fille, sans attacher ou pas. Tout attaché. Tout attaché, ok. La fille, tout attaché. Et crois-tu éventuellement, as-tu une vision, est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que la fille peut se projeter? Après, je suis quelqu'un qui n'aime pas justement trop projeter parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Mais en tout cas, je sais que j'aurai toujours des choses à dire et aussi j'ai eu l'immense chance de même si pour l'instant on peut pas encore dire que je suis reconnue par le public, etc. Mais je suis déjà reconnue dans la profession et ça c'est tu vois, parce que Jacques Duval il m'a écrit quand j'ai écrit Ceci est mon corps. Il m'a envoyé un mail en me disant cette chanson est un chef-d'œuvre. Jacques Duval. Ouais, Jacques Duval. Donc on s'est rencontrés, on s'adore, on est devenus potes. Il m'a invité à jouer en Belgique l'année dernière avec lui. Okay. Et voilà, et c'est quelqu'un. En plus, je me dis, si je suis en panne de texte, oui, ben, allô Jacques. C'est quand même énorme. Voilà, donc j'aimerais beaucoup coécrire avec lui. Mais bon, voilà, j'ai plein de projets. Je rencontre plein de gens avec qui j'ai envie de travailler, comme un mec qui s'appelle This is the Hello Monster. Ok. Maud Lubeck. Oui. Qui va m'écrire une musique sur un texte qui s'appelle Des bas et des hauts que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est déjà sur le prochain album. Ça, on est déjà en train de travailler sur le prochain, deuxième. Bien sûr. Et bien sûr, tu espères de faire une tournée au Québec si quelqu'un nous écoute. Hein, avec grand plaisir. On peut communiquer avec toi sur ton Facebook, ton MySpace. Tout à fait. C'est moi qui m'occupe de la fille pour l'instant. C'est toi qui gères. Tu gères la fille. Oui, je suis une femme... ok, oui. Responsable. Responsable, forte. Et je m'aperçois que je pourrais être assez bien une businesswoman quand même. Oui, de travailler sur En fait, si tu veux, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je délègue... T'es déçue. Ouais. Ok, parce que t'es une fille qui demande beaucoup pour toi. Exactement. Et pour les autres. Exigeante et c'est comme ça que ça doit être de toute façon. Oui, surtout dans le milieu artistique. On est tellement laisser la place à n'importe qui parce qu'il y a beaucoup mais de oui, et puis en plus, tu vois, surtout par rapport au projet de la fille, qui est un projet quand même très autobiographique et très personnel, qui mieux que moi peut parler de moi. Quoi. Ben oui, tu vois ce que je veux dire? Oh, oui, oui. C'est pas la même chose pour n'importe quel groupe, mais je pense que pour moi, c'est vraiment. Après, voilà, je pense que si ça continue à marcher, il faudra que j'ai un manager quand même, mais je le choisirai bien. Ok, ben oui, tu dois avoir des contacts. Ouais, pas des très bons. Non, éventuellement, ça viendra. Genre, tu vas en être un. Hein? Alors, imagine, j'ai 10 questions pour la fille. Vas-y. Que j'ai posées à tous les artistes que j'ai rencontrés depuis 2 ans. Super, super. Alors, si tu étais un liquide. En fait, c'est des questions, il faudrait répondre du tac au tac, ça c'est mieux, non? Non, pas si, parce que tout le monde réfléchissait. Je sais pas, ici, c'est beaucoup plus cérébral. Un lait fraise. Un lait fraise, ok. Si tu étais une ville? Paris. Oh, Paris. Si tu étais une langue? Mais pourquoi Paris? Attends un peu! Non. Pourquoi? Tu étais une langue? Une langue? Oui, mais... Il y a Richard langue Dreyfus. De bœuf. Non, mais c'est Richard Dreyfus qui a réagi. Tous les autres n'ont pas réagi, mais les acteurs réagissent une langue. Ouais. Mais avant, attends, une ville Paris. Paris. Pourquoi Paris? Parce que je crois que je pourrais plus me passer de Paris. Ok. Je pense que j'aurais certainement besoin d'avoir un lieu où, à la campagne, loin de tout. Mais si tu veux, j'ai une angoisse de partir de Paris. C'est qu'il faut absolument que si je pars, j'ai un pied à terre ici. Ok. C'est là où je suis née une deuxième fois. C'est une liaison entre toi et... Ouais. C'est ma deuxième naissance, tu vois, Paris. Ok. Ah, ben c'est bon. Quitte, encore là, on va revenir à la langue. Si tu étais une langue... Une langue de bœuf. Non. Okay, une langue de bœuf et une langue parlée, par exemple. Pourquoi de bœuf? Non, c'était pour rigoler. Okay. Vous ne mangez pas de la langue de bœuf au Québec? Oui, oui. Mais c'est surtout la seule langue qu'on mange, non? Vinaigrée. Ah oui, nous, on le fait en sauce avec des petits cornichons. Oui, on peut aussi. On peut aussi. Et la langue parlée? Non, la langue parlée, l'anglais. L'anglais. Ah, pourquoi l'anglais? C'est parce que c'est une langue qui est très chantante. On me demande souvent pourquoi j'écris pas en anglais. Parce que je parle pas couramment anglais et qu'il y a plein de nuances, de subtilités que je saurais pas écrire dans une chanson. plus, ça serait moins sincère que ce que je fais. Et en même temps, quand il m'arrive de faire des reprises en anglais, c'est super agréable de chanter en anglais, tu vois. Mais c'est que... plus la prononciation qui est plus c'est facile. Ça. Alors quand tu chantes en anglais, tu chantes avec l'accent French. Un peu, forcément. Ah oui, oui, oui. Et si tu étais une époque... Ah, ça, c'est merveilleux pour les chansons radio. Donc là, nous avons le camion poubelle. Exactement. Qui arrive devant nous. Et ça travaille dur, ça travaille fort. Ouais. Et si tu étais un mot... Un mot? Non, une époque, une époque. Ah, une époque. Une époque. Une époque, j'aurais beaucoup aimé les années 50-60. À cause des colliers. L'après-guerre. Ah oui. L'après-guerre, tu vois, le renouveau, la liberté, encore une fois. Et puis à l'époque, il y avait plein de boulot. Enfin voilà, mes parents, ils m'ont toujours dit on avait marre d'une boîte, on partait. Le jour même, on avait trouvé un autre boulot. C'est merveilleux. On avait trouvé un autre travail, tu vois, ce qui est impossible aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Enfin voilà, il y avait une espèce de. De légèreté qu'il n'y a pas aujourd'hui, je pense. Ok. Et puis aussi parce que j'aime beaucoup tout ce qui est enfin, dans les années 50, tout ce qui est la danse, la musique. Ouais, la musique, les fringues des années 50, les meubles des années 50, les style. Les avec le collier. Voilà. Et la le danse. Style années 50, les fauteuils club. Ok. C'est un peu cabaret avec. Oui, c'est vrai. Les j'aime beaucoup. C'est ça que je vois quand on dit des années 50. Et puis c'est Frank Sinatra aussi assez détenu, c'est tout ça. Exactement. Si tu étais un mot. Un mot? Un mot. Bon mot, un mot. J'ai dit pas un mot, mais un non, mot. Non, j'ai compris. Je savais, je savais. Un mot, donc n'importe quoi, un verbe, un mot. Oui, oui, oui, un mot. La vie. Vie. Ah. Si tu étais un aliment, et on revient à la langue de... Un aliment. Oui, on massacre alors, un peu. Attends, nous, attends, un aliment, qu'est-ce que je serais? Une côte de bœuf. Oh, pourquoi? J'adore ça. Ok. J'aime la viande. Ah oui, oh, c'est rare une fille qui aime la viande, c'est bien. Si tu étais une saison. Une saison? L'été, sans hésiter. Ah, même la chaleur. Ouais. Samedi, c'était vraiment hyper, besoin de soleil. Alors effectivement, ici, il fait 10 degrés en une journée. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Tu vois, on passe de 20 degrés à 40 degrés. Ouais. Mais c'est le soleil. Alors après, j'aurais pu hésiter entre le printemps et l'été. Est-ce que tu es une genre de fille à aller vers le soleil? C'est-à-dire que nous, au Québec, il y a beaucoup de personnes qui quittent pour aller en Floride, au soleil. Toi, est-ce que tu serais le genre de fille pour aller à Nice ou aller suivre exactement. Le soleil? Exactement. OK, ouais, la Côte d'Azur. Et... Mais toujours en ayant ce pied-à-terre à Paris. C'est ça que je t'expliquais. Oui, OK, mais juste que je aller visiter le soleil, là où il se cache. Ah oui. OK. Ah, avec, oui. Avec la plage. Je suis tellement heureuse au soleil. Ah oui? Ah, ouais. Le cancer de la peau, non? Ah, mais je fais attention. Hein. Oh, d'accord. Ah non, je me protège. Ah, ben, il faut se protéger. Dans tout, dans la vie, il faut se protéger. si tu étais. Ben, c'est vrai aujourd'hui. Mais oui. Mais ce qui est étrange, on dit qu'on fait l'amour, mais on doit se protéger. Dans l'amour, on ne se protège pas, en tout cas. Ouais. Si nous étions. Vas-y. Oui, mais c'est ça. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Je l'ai posé à tout le monde, ça. Hein? Ah, oui, mais il n'y a pas de problème. Okay. J'ai pas de tabou, tu sais. OK, non. Oh, il y a une moucheron dans mon Coca-Cola. Pauvre petite. C'est pas grave. Mouche. Petite mouche. Un membre. L'épaule. L'épaule, pourquoi? C'est là où on se repose. Oh oui, nous avions une émission au Québec qui s'appelait Fanfan Dédé avec une marionnette et un humain, une petite marionnette, là, et la marionnette allait se coucher sur l'épaule. De... Voilà. Ah, c'est... Et puis parce que c'est érotique, je trouve, cet endroit. L'épaule? Ok. J'aime bien. Ok. Si tu étais un moment de la journée. Alors, ça serait. Je suis une couche tard. Ok, oui. J'aime bien comme écrire. Tous les artistes voilà. Donc, mon moment préféré, c'est. En fait, ma soirée, elle commence vers 23h jusqu'à 3h du matin. Alors, généralement. C'est très tôt pour toi, là, actuellement. Là. Il est 16h. Ouais, mais en ce moment, je me lève. En fait, comme je ne ferme pas les volets de ma chambre, l'été, je me lève beaucoup plus tôt que l'hiver. Ok, c'est le soleil qui te réveille. Oui. Ah, mon Dieu, quelle belle apparition, oui. Hein, parce que le soleil t'arrive. Si tu étais un autre individu. Quelqu'un qui existe, non, qui a existé. Un individu, oh, peu importe. Mmh. je serais danseuse, une danseuse étoile. Ok. J'aurais aimé. Russe ou peu importe, une danseuse. Danseuse étoile. Ah bon. C'est... Mais il n'y a pas de nom rattaché à ça. Non. Ah, ok. Pourquoi une danseuse? C'est en fait, c'est leur grâce, tu vois. C'est, je trouve que... Enfin, je parle vraiment des danseuses classiques. Hein. Oh, oui. C'est leur corps, je pense. Il y a quelque chose de... C'est la grâce, en fait. C'est ça. Mais c'est aussi de martyriser son corps. Oui, trop. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait ça. Et peut-être heureusement, d'ailleurs. Ah, oui. Ça aurait été terrible. Oui, effectivement. Puis même garder le sourire et sembler vraiment gracieuse malgré la souffrance. Mais je trouve ça magnifique, la danse, okay. Comme expression. Mais la danse classique et la danse... Toutes les danses, hein. Okay. Mais voilà, c'est pour ça que je t'ai répondu ça. Alors toi, quand tu vas en boîte, tu danses? Je vais pas en boîte. Ah non? J'aime pas ça. Ok, trop de personnes. J'ai jamais aimé ça, même adolescente, mais après j'adore danser, j'adore faire des soirées avec des amis dans une maison et là je danse. Ok. Hier soir j'ai dansé par exemple, parce qu'il y avait un club en bas, et voilà, mais je suis restée 10 minutes sur la piste de danse. Est-ce qu'il y avait une scène alors où tu étais? Une scène? Non. Ok. Non, c'était dans vraiment... un salon. En fait, si tu veux, tu rentres, t'as un premier salon. Ensuite, tu passes par un espace qui est justement là où on chantait, qui est un espace de passage. Okay. C'est un passage. Tu rentres dans une grande salle à manger, il y a un petit patio. À l'étage, t'as un bar. Et au sous-sol, un club. Et c'est à Paris? C'est à Paris, au 6 rue Étienne Marcel. Okay. Ça s'appelle Le Cercle. Voilà, c'est un lieu que je connaissais pas, qui est assez étrange, assez érotique, assez underground aussi. Moi, je serais ravie de refaire des choses comme ça, même en acoustique, parce que pourtant l'acoustique, ça reflète pas vraiment l'image de la fille. Hein. Ok, c'est pas assez agressif, c'est pas assez. Oui, moi j'ai envie de crier, tu vois, je pouvais pas trop crier, mais c'était super. Les gens nous ont accueillis merveilleusement et voilà, je suis ravie. Et peut-être que l'année prochaine, on se verra à Québec. J'aimerais bien, Reynald. Mais il y a plein de festivals. Hein, ah ouais, mais moi, franchement, c'est un grand désir que j'ai de venir chanter chez vous. Oui. Parce que je chante en français. Oui, effectivement. Et nous sommes des francophones, voilà. Loin en Amérique. Voilà. Mais c'est un souhait, c'est un souhait que l'on se fait. Oui. Mais en plus, tu vois, j'ai jamais beaucoup trouvé. Est-ce que ton album est disponible au Québec? Alors, via Internet. Pas te dire. Oui, via Internet, bien sûr. Je sais qu'il va sortir en Belgique en septembre. Ok. Je vais demander à mon label, mais. Ouais, parce que je vais en parler à mon émission. Donc, Oui. Et je diffuserai aussi l'album que tu m'as gentiment donné. Non, avec plaisir. Ce que l'on fait ici sera diffusé au courant de l'automne. Donc, d'accord, tu me préviendras alors. Oui, mais tu vas avoir même l'enregistrement juste pour toi, sans montage. Donc, tu vas pouvoir le garder. D'accord, éternellement. Éternellement. S'il n'y a pas de virus dans ton ordinateur éventuellement. Et ben, est-ce qu'on te nomme par ton nom ou par ton nom d'artiste ou, Comme tu veux. Franchement, les gens qui m'appellent Anne-Sophie, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, là, je ne suis pas sur scène. Mais je suis quand même la fille. As-tu des films en vue? As-tu des scénarios? As-tu quelque chose de ce côté-là? Non. Oui, il y a des gens qui commencent à pointer un peu leur nez. Okay. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore vraiment quelqu'un d'inconnu. C'est une comédie musicale? Non. Ah, bon. Starmania 2012, non? Non, si tu veux, je trouve que... Alors après, les comédies musicales américaines, ça n'a rien à voir avec les comédies musicales françaises. Mais Starmania, c'est... Oui, Starmania, c'était bien. Mais je crois que j'ai vraiment envie de chanter ce que je suis. Seule. Mais sinon, j'ai beaucoup envie de faire du cinéma aussi, tu vois, mais pas vraiment forcément les deux. La comédie musicale, ça me semble pas assez rock'n'roll. Mais au cinéma, toi, tu es aussi comédienne, mais tu fais la doublure de quelqu'un pour la lumière, c'est ça? Oui, je l'ai fait ça sur Messine. Mais comment t'appelles ça, ce métier-là? Doublure lumière. Doublure lumière, c'est-à-dire que tu es de la même grandeur que l'actrice. Voilà, avec la même couleur de cheveux, le même grain de peau. Même grain de peau? Bah oui, par exemple, ils vont pas prendre une personne... Si la comédienne est blanche de peau, ils vont pas prendre une basanée, tu vois. Ok. Alors toi, si tu es dans un catalogue avec... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais effectivement, c'est des directeurs de casting, tu vois, qui, à un moment, on leur demande... Sur Messrine, c'est ce qui s'est passé. C'est un directeur de casting que je connaissais. Il cherchait une doublure pour... Divine Sanier, qui était brune dans le film, donc qui a ma taille et ma corpulence, et c'était le chef-op américain qui choisissait parmi plusieurs propositions du directeur de casting. Mais c'est pas un métier, mais c'est un métier. C'est pas difficile. Vraiment un métier. Mais c'est difficile. Non. Non. C'est pas okay. Difficile. C'est ce qui est difficile, c'est que tu attends. Ah c'est ça. Oh, oui. Mais tu dois aussi être face au projo, rester voilà, là. Voilà. Pendant que la comédienne se fait maquiller, tout ça, nous on prépare tout okay. Avant avec le chef opérateur, les lumières, les positions dans lesquelles elle est, et ensuite elle arrive et on tourne. Ok. Moi, je suis son dialogue et c'est fini. Voilà. Tandis que toi, ça la soulage beaucoup de pas faire tout ça. Oh, oui, c'est ça. Tu vois? Elle est prête, elle est fraîche. Voilà. Et c'est toi qui te tapes le truc le plus emmerdant. Ouais, mais en même temps, c'était une superbe expérience de travailler sur Mesrine parce que c'était 10 mois de tournage. Oui, les deux films. Hein. Donc j'ai rencontré plein de comédiens, plein de gens, même la famille de Mesrine. Ouais. La vraie famille était là. Oui, la vraie famille. Pourquoi pour savoir si tout était oui, correct. Oui, tout à fait. Jean-François Richer, le réalisateur, a vraiment tenu à ce que ce soit le plus près possible de la réalité. Donc on ça travaillait. Ça fait 2 ans, Mesrine. Ouais, déjà. Hey, imagine que ce film-là n'est jamais venu au Québec. Il y a eu un problème de distribution. Il est disponible en DVD. Pourtant, ça a été tourné là-bas aussi, hein. Oui, mais on n'a jamais eu la distribution. On n'a jamais vu ça sur grand écran. Il est disponible en DVD, mais ils ont deux. Mince. Est-ce que tu connais les zones 1, zone 2? Non, hein. Non. Zone 2, c'est uniquement la France. Zone 1, c'est Amérique du Nord, d'accord. La Chine. Et donc, si on veut voir les films, c'est deux DVD, hein. Il y a le premier Mesrine et le deuxième Mesrine. C'est disponible uniquement en France. Il faut se le procurer ici. C'est totalement hallucinant. Incroyable. Alors qu'aux États-Unis, il est sorti aux États-Unis. Oui. Est-ce que tu fais partie des bonus? Est-ce que tu me dis que... Non, je crois pas. Je crois pas. Okay. Si tu veux la doublure lumière, on n'en parle non, pas. Non, mais tu vois, c'est hyper frustrant quand t'es comédien. Ok, oui. Mais j'ai eu la chance de... Oui, c'est ça. La famille de Mesrine était là. Ouais. Oui, il y avait sa fille. Ok. Sa petite fille. Je crois que Jean-François a rencontré sa dernière femme, celle qui a été accidentée, enfin, sur qui on a tiré. Elle n'est pas morte, mais je crois qu'elle a perdu un œil quand même. Et il y avait surtout Charlie, qui était son acolyte. C'était le rôle de le brun, là, aux yeux noirs. Enfin, c'était son acolyte okay. Et lui il était vraiment là, celui qui avait été emprisonné dans les... Mais il est déjà sorti de prison. Ah bah oui, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Okay. Hein. Okay. Et donc tout le monde était là et vérifiait si tout était correct. Voilà, exactement. En tout cas, c'était le désir de Jean-François de leur demander voilà, si c'était le plus proche possible de la réalité. Okay. Donc si tu veux, il avait un rôle, Charlie. Donc, enfin, tu vois, il était capable de dire là, on a fait ça, ensuite on a fait ça, on est passé par cette rue. Mais tu vois, pour toi, c'est vraiment... combien? Mais pour toi, c'est combien de mois de travail pour Mesrine? Moi, c'était un peu épisodique, tu vois. Okay. Et, peut-être travailler 35 jours. Oh, c'est quand même pas mal. Sur 9 mois. 10 mois. 6 mois. 10. 10 mois. Oh, ouais, c'est... Et en fait, si tu veux, je me suis... le chef opérateur est devenu mon ami. Ami. Ami. Non, non, pas... Ok. Ah non, non. Non, ami. Ami avec un ami. Ah ouais, ouais. Ah, non, oui. Non, c'est quelqu'un que j'estime énormément, avec qui je suis toujours en contact. Ok. Qui est venu me voir en concert pendant le tournage et qui m'a dit lâche pas quoi, c'est ça. Et qui m'a proposé de me produire un clip à New York. Donc j'espère que ça va se faire bientôt. Et c'est sur quelle chanson là, par contre? Bah lui il voulait le faire sur Signaux de fumée à l'époque. Okay. Mais donc il va changer d'avis, je vais lui demander. Mais pourquoi pas toi? C'est pour toi que tu choisis ta chanson? Si moi. Okay. Après je vais lui demander son désir aussi. Mais lequel toi? Tu envisages. Là j'ai pas du tout réfléchi. Okay. Parce que là on va faire un clip de Aujourd'hui je me lave pas. Okay. Avec une amie réalisatrice. Okay. Je fais travailler tous les gens que j'aime en fait. Alors c'est un court-métrage, c'est une vidéo, donc tu vas servir, c'est toi qui vas donner ton idée de la mise en scène et elle aussi. Ensemble, parce okay. que c'est une très très bonne amie. J'ai tourné dans un de ses films qui est passé à Paris au Festival international des films, du film Sexy. Il y a Sexy. Alors que c'est pas du tout un film. Mais en fait, le festival a eu un coup de cœur pour ce film. Et donc, ils l'ont pas mis en compétition parce que ça avait rien à voir avec le sujet, mais ils l'ont mis en soirée de clôture du festival. Ok, un second regard comme à l'Olympique, voilà. Comme à Cannes. Et donc, c'est Anne Le Chartier qui a réalisé, où j'ai le premier rôle. Mais c'est pas un court métrage, c'est un long métrage. Non, c'est un moyen. Ok, c'est 60 minutes. Non, 20 minutes. Ah, 20 minutes, c'est un court, ok. Tu vois, c'est un court. Ouais, ouais. Mais. Voilà, donc j'ai beaucoup envie de travailler avec elle parce qu'elle me connaît très bien. Okay. Et donc on coécrit le scénario ensemble, si tu veux. Et tu trouves que l'image qu'elle rend, ça ressemble un peu à ton profil et... Complètement. C'est elle aussi qui me maquille, qui me dessine la fille. Okay. Tu vois, elle est peintre, réalisatrice, maquilleuse professionnelle. Mais avant chaque spectacle, tu te fais... Oui. C'est elle qui est c'est là. C'est deux heures de maquillage quasiment. Mais c'est elle qui te fait ça. Sans, tu fais pas de spectacle s'il n'y a pas de... Si jamais elle n'était pas là. Ok, oui. Mais tu peux pas t'appliquer quelque chose. On y a pensé. Okay. Ouais, on va peut-être faire fabriquer des petits pochoirs. Oui, tu oui, sais. C'est ça. Oui, oui. Qu'on accole et qu'on enlève. Ça serait plus simple. Mais oui, ben là. Parce que là, si tu t'en vas en tournée en Belgique, en Suisse, puis au Québec. Mais elle a envie de venir. Oui, mais c'est le budget, c'est plus cher. Voilà, c'est ça. Une question de budget. Tout est dans le budget. Ouais. En 2010, terrible. Et c'est déjà ça. Aujourd'hui, tu vois, on est déjà une formation lourde par rapport à ce que les gens demandent. C'est-à-dire que 4 musiciens plus une chanteuse. C'est le maximum. Nager son. C'est le maximum. Le lighteux, enfin voilà, t'es obligé de partir avec ça. Ah, ouais. Alors c'est aussi pour ça qu'on a créé une formation acoustique, tu vois, où on n'est pas obligé d'être aussi nombreux, on peut faire ça à trois. Ouais. Mais évidemment, je préfère. C'est beaucoup de travail. Ouais. Mais quand on est. Ah, mais j'adore. Ouais, en c'est plus, ça, j'ai des musiciens formidables qui sont heureux de travailler avec moi. Ça fait un an qu'ils travaillent gratuitement pour moi. Donc mais là, j'ai hâte qu'ils soient enfin payés, quoi, tu vois. Parce que là, ils sont pas payés. Non, pour l'instant, on travaille gratuitement. Tout le monde. Yann Péchin, tu l'as rencontré comment, Yann Péchin? C'est Yann qui m'a présenté tous mes musiciens. Ok. Okay. Je l'ai rencontré il y a pas mal d'années maintenant, peut-être bien 10 ans. Ok. Peut-être pas 10 ans, 8. Ok. Même 8 très sur les années. Et c'était par hasard, en fait, il était avec son amie Marie-France. Oui. Et c'était à une soirée de Marie-France que je l'ai rencontré. Okay. Et puis après, on s'est croisés par hasard. Et je lui ai commencé à lui faire écouter. Il a trouvé ça super. Et il est venu me voir à tous mes concerts avec Bobby Jockey aussi, le bassiste. Et voilà, et c'est lui qui m'a trouvé mon équipe. Donc en fait, il vient nous dire ce qu'il en pense. Il était là aux Trois Baudets. Mais les musiciens, comment font-ils pour vivre s'ils sont pas rémunérés? Ils ont d'autres projets. Okay. C'est ça qui est un problème, tu okay. vois. Okay. Des projets professionnels, eux. Ils jouent dans plusieurs groupes, okay, voilà, mais on galère tous, ils sont intermittents aussi, tu vois, ils font aussi de la régie, okay. cinéma, ils font tout. Dans le milieu artistique. Et là, évidemment que j'ai envie de les emmener... Dire, écoutez, je vous accapare pendant un an, mais je leur ai quand même donné un petit pourcentage. Okay. Sur, pas au niveau des éditions, mais sur... on sait pas encore, on n'a pas encore fait le contrat, mais sur les passages radio, ou sur les choses, un tout petit pourcentage, mais qui fait que... Ils restent attachés à toi. Ouais. Ouais. Parce que j'estime que, voilà, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, et que vu que ce n'est pas un groupe, c'est à moi de les fidéliser, tu vois. C'est ça, des familles. Ouais. Et voilà, et donc ça se passe très bien. Alors, je peux donner leur nom? Vas-y, avant de nous quitter. Alors, donc, nous avons la batterie Fabrice Lacroix. OK. À la basse, Philippe Létang. La guitare Thomas Leroy et au piano, violon, violoncelle Marwen Camarty. Et c'est des musiciens qui se regroupent autour de la fille. Exactement. Pour faire des spectacles rock and roll. Exactement. Énergique. Alors on va pouvoir s'en et sensible aussi. Oui, humaniste. On s'en rendra sans doute compte un jour au Québec. Avec grand plaisir, Renan. On se le souhaite. Ouais, on se le souhaite. Mais d'ici ce temps-là, on peut t'écouter sur CD, donc c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ce qu'on va faire régulièrement dans le cadre de mon émission. Super. Ben, écoute, et puis j'invite les auditeurs à aller voir mon Facebook, oui. mon MySpace, parce que je vais poster des vidéos bientôt là, de concerts. Et pour te rejoindre sur MySpace, c'est quand même assez complexe, c'est ah quoi bon? C'est, ben, c'est la fille tout attachée. Ah, c'est non, ça. C'est la fille musique. La fille musique, mais tout attaché. Ok, la fille musique dans musique, un seul bloc. M-U-S-I-C. Ok, oui, la fille musique et voilà. La première fille musique, c'est toi. Ouais. Ok. Alors, ben, mais sinon, si vous tapez la fille en un seul mot, donc tout attaché dans Google, vous tombez directement. La première fille, c'est toi. Ouais. Ah, mais c'est merveilleux de savoir que la première fille, c'est toi. Ah oui, c'est moi. Ben, merci. Non, mais en plus, comme il y a eu plein de sublimes chroniques, du coup, voilà, quand on tape la fille, on tombe quand même sur pas mal de ça commence à devenir de plus en plus volumineux. Ouais. Donc intéressant pour donc, toi. Je suis ravie, ouais. Oui, oui, ben, j'espère que les Québécois vont aimer l'album. Ben, écoute, je suis heureux de t'avoir rencontré et surtout d'avoir pu savoir qui était la fille et de l'avoir fait connaître des auditeurs. Ben moi, je te remercie beaucoup, Rénal. Ce fut un plaisir. Ben moi aussi. Et puis là, c'est le temps de manger ton repas. Maintenant, je vais manger. Ben oui, ok, on y va. Et tu peux rester avec moi. Ben, oui, je vais rester. On va couper, mais on va continuer à discuter. Ben oui, on peut, oui. Alors merci. Merci Rénal. Salut.